Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire sur le climat et son histoire, après la conférence climatique qui s'est tenue la semaine dernière à l'ONU à New York. Après avoir écouté hier le pionnier de l'histoire du climat qu'est Emmanuel Leroy-Ladurie nous expliquer comment l'historien utilise les données chiffrées des périodes de gel et de floraison, des dates de vendange et de moisson pour établir les séries qui lui permettent de tracer l'évolution du climat sur plusieurs siècles, nous vous proposons ce matin de réécouter le documentaire de 2012 qu'avaient signé pour la Fabrique de l'Histoire Séverine Yatard et Gilles Davidas, Les Veilleurs du Temps. Vous allez y entendre des personnes attentives à collecter chaque jour les données météorologiques qui serviront ensuite aux prévisions de Météo France. Jusqu'à 10h, dans la Fabrique de l'Histoire, Les Veilleurs du Temps, un documentaire de Séverine Yatard et Gilles Davidas avec les témoignages de Françoise Marguerat et Michel Galliot, Robert Lardy, Madame Andrieux et Jean-Claude Decoux. Je suis en train de recevoir les températures que nous ont envoyées les correspondants de Météo France qui chaque jour sillonnent toute notre région. Les Veilleurs du Temps. Pas compliqué, il n'a pas pour longtemps. C'est... Non, c'est même intéressant, quoi. Je vous dis, un petit peu, on importe, on voit ce qu'il y a. Mais je dis, il a plu, il n'a pas plu, et je dis, voilà, il est tombé un peu ça. Non, mais on fait son petit train-train, et puis voilà. Ça me fait plaisir, ça m'occupe un peu, ça me fait écrire un peu, alors qu'on n'écrit jamais. Maintenant, on n'écrit plus, alors... Et dites donc, il me donne 400 euros par an. Et c'est moi qui paye les timbres et l'électricité. Parce que là-haut, vous allez voir, c'est un machin électrique. Quand il tombe de la neige, ça... Chaque matin, entre 7h30 et 9h, ils mesurent la quantité d'eau tombée dans le pluviomètre. Ils décrivent aussi le temps de la journée passée, la durée de certains phénomènes météorologiques, comme la pluie, l'orage, la neige ou le brouillard. Ces informations, consignées sur un cahier, sont transmises ensuite, chaque mois, au centre départemental météorologique. Si la pratique peut paraître obsolète, ces relevés quotidiens, effectués manuellement par les observateurs bénévoles de Météo France, permettent de mieux connaître les climats locaux et d'établir des statistiques précises et régulières. Les réseaux de mesures météorologiques émergent à la fin du XVIIIe siècle pour couvrir progressivement le territoire au siècle suivant. En Haute-Vienne, le premier poste est créé à Saint-Léonard au cours de l'année 1857. Puis d'autres sont mis en place à Limoges, à Émoutiers et à Bellac. Ce sont généralement des personnes attentives aux choses de la nature, issues du monde rural, qui acceptent de remplir cette mission. Dans la plupart des cas, la motivation grandit et l'observation du temps devient une accoutumance. Ils sont 3000 en métropole, et environ 25 en Haute-Vienne. Depuis 1948, Robert Lardy relève le temps à Maisonis. Monique Andrieux mesure la pluie tous les matins, près du Mont Gargan, sur les hauteurs de Limoges, alors que Jean-Claude Decoux a pris la succession d'un collègue à Sauviat-sur-Vige en 1995. Françoise Marguerat, technicienne en climatologie, et Michel Galliot, climatologue, travaille avec ses bénévoles au centre météorologique de Limoges, situé à l'entrée de l'aéroport. Actuellement, donc, on a quand même beaucoup de gens issus du milieu agricole, agriculteurs ou bien qui vont travailler autour du milieu agricole. On a des personnes qui sont d'un certain âge. Il faut savoir qu'une des caractéristiques du travail du bénévole, c'est que ça se fait tous les jours, samedi et dimanche, et jours fériés y compris. Donc il faut quelqu'un qui puisse assurer une permanence chez lui, et en général, les agriculteurs et surtout les éleveurs qui ont des contraintes avec leurs bêtes ne sont jamais absents. Et donc dans ce cas-là, c'est plus facile de s'assurer qu'on est sur levé continu. Ce n'est pas forcément des gens qui sont, des protecteurs de l'environnement, c'est vraiment monsieur tout le monde. On a recruté pendant longtemps des gens qui venaient de l'équipement, la DDE ou avant les ponts et chaussées, puisque historiquement, le ministère des ponts et chaussées s'occupait des inondations et avait donc lui aussi un réseau d'observateurs qui étaient souvent les agents des ponts et chaussées. Mais on les a retrouvés un petit peu chez nous, on en retrouve encore des retraités des ponts et chaussées qui continuent les relever pour nous. Mais le recrutement se fait maintenant quand on a un observateur qui cesse son activité, soit on discute avec lui pour essayer de savoir si dans son entourage il y a quelqu'un qui pourrait reprendre le poste. Si on ne trouve pas, on peut s'adresser aux mairies. Alors on trouve aussi maintenant des employés de mairie, en fait des communes qui sont plus ou moins intéressées, qui disent ben voilà, nous on a des jardiniers, éventuellement s'ils acceptent de faire ça chez eux, ils font. Des gens qu'on a parfois du mal à décider au début, on les rencontre la première fois, c'est le maire qui m'a demandé, mais moi, vous savez, c'est bien parce qu'il me l'a demandé, sans ça. Et puis les gens se prennent au jeu, et puis quand ils prennent leur retraite, ils viennent nous voir. Ah, mais est-ce qu'on pourrait garder je pourrais pas l'emporter chez moi ou bien le garder parce que vraiment, non, ça m'intéresse. Si effectivement, ça n'oblige pas à déplacer le poste, bon, on accepte bien volontiers. Au départ, c'est quand on a un observateur nouveau qui arrive, on va le former. On va lui montrer le matériel, on va lui expliquer comment est-ce qu'on fait les lectures, comment est-ce qu'on fait les mesures, comment on les note. Françoise Marguerre. Comment est-ce que la mesure météo, que ce soit la pluviométrie ou la température, c'est des critères bien différents, comment est-ce que ça fonctionne. On leur explique ça au début de la prise de leur poste. Et puis après, lors des visites, comme et Michel, on essaye de passer tous les ans. Et lors des visites, on en rediscute et eux nous posent des questions. Nous, c'est vraiment un échange qu'on a avec eux. C'est vraiment comme si on s'adressait à des collègues, quoi, en fait. Hein. Un échange de collègue à collègue. Et ça, c'est apprécié. Fortement, oui. Et pour les observateurs et pour nous, c'est vraiment très, très précieux. Quand il y a un épisode de fort orage ou de forte pluie ou de neige, comme l'hiver dernier, là, le matin, on prend le téléphone et puis on les appelle et eux, vous êtes sûr, vous pouvez compter sur leur observation, elle va être le plus professionnel possible. Ce qu'ils vont nous donner, vraiment, on peut s'appuyer sur leur relevé, quoi. Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. Commençons, comme tous les jours d'ailleurs, par un petit coup d'œil sur l'actualité. Le temps demain. Amélioration progressive, dans l'ensemble le temps sera ensoleillé et plus chaud. Quelques nuages encore sur les Alpes et le Jura. Attention au brouillard cette nuit. Et ça me faisait penser, Michel Galliot, au début, en fait, beaucoup de ces bénévoles étaient des instituteurs, je crois, au 19e siècle. Oui, comme c'était le ministère de l'Instruction publique qui gérait l'Observatoire de Paris et le Bureau central de la météorologie, il s'est adressé aux instituteurs. Et pour toucher les instituteurs, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est adressé aux écoles normales. Et donc, il a demandé d'abord aux écoles normales d'avoir des postes météo et de former les gens. Donc, les élèves instituteurs apprenaient au sein des écoles normales à lire un baromètre, à lire un thermomètre et un pluviomètre. Et tout naturellement, quand ils partaient, eh bien, ils avaient envie et s'ils étaient un peu sollicités, tout de suite, ils proposaient de faire les relevés. Et comme les instituteurs étaient des gens, même s'ils avaient des congés, ils partaient pas, ils restaient sur place. En plus, on avait à la campagne des instituteurs qui étaient en même temps secrétaires de mairie. Ils ont tenu les postes pendant très longtemps. À partir du moment où il y a eu plus de congés, les instituteurs partaient plus souvent, ça a été plus difficile. Les mutations aussi, beaucoup. Et les mutations, et on a trouvé beaucoup moins d'instituteurs. Et je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'instituteurs encore dans notre réseau. Quand on tombe sur un jeune, on le choie parce qu'on se dit, pourvu, ça c'est une bonne recrue. Parce qu'on peut espérer que ça dure longtemps. À Rochechouart, l'observateur a eu quelques soucis de santé et pour que ça l'ait relevé soit fait sans que je m'inquiète ni quoi que ce soit avant que je sache parce que la famille ne pense pas toujours à nous avertir tout de suite. Il avait quand même averti sa petite voisine, sa jeune voisine, une jeune femme d'une trentaine d'années, lui disant « bon, je pars à l'hôpital, tu pourras faire les mesures pour moi ». Puis quand il est revenu, elle a continué pour lui le soulager parce qu'il était en convalescence, elle a continué à faire les mesures. Puis il me dit, vous savez, Sylvie a fait ça très bien. Vous ne croyez pas qu'elle pourrait continuer? Et puis moi, je resterai toujours dans la météo de toute façon, toujours passionnée par la météorologie. Mais si vous voulez, c'est Sylvie qui va continuer. Et donc, c'est une observatrice jeune qui va prendre le relevé d'un observateur un peu plus âgé. Et là, donc, j'ai une jeune femme à Rochechouart qui est partie pour faire le... Et elle se lance en plus dans le maraîchage. Donc, elle va faire son jardin, ses légumes tout à côté. Donc, elle était très intéressée par la météo. Et donc, je pense que c'est une observatrice. Elle est très, très bonne, enfin, très, très sérieuse. Ses relevés sont bons, plutôt. Très sérieuse. Et elle continuera longtemps, quoi. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, De nouvelles averses cet après-midi sur la moitié ouest de la France, sur le centre, puis vers le soir sur le bassin parisien, des pluies très abondantes sur le Béarn, le Bas-Languedoc, les Cévennes, la Provence, accompagnées de violentes bourrasques et même de tornades sur l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aveyron, le Golfe. Heaven opens some magic lane. Et comment ça vous est venu, ça, cette... Je vais vous dire aux choses, attendez voir. Robert Lardy. Il a été placé en 1932, là. Ici, en 1932 oui. 1932, là-bas. Mais c'était en bois, c'était pas le même genre. Puis il y avait des instruments en supplément. Et alors, du coup, c'est votre père qui faisait oui, ça. Oui, oui. Alors, oui, au début, mais c'est Lardy qui le faisait, c'est son fils qui le faisait. C'est vous. Oui, oui, parce que lui, je vous ai dit, il est resté à Jouromer et maire pendant le 49 ans. Il n'avait pas bien le temps. Et oui, il n'avait pas bien le temps. Non. Puis il fallait garder les bêtes. On est agriculteur quand même. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il était maire, donc il y avait un peu cette idée qu'il rendait service aussi. Il fallait rendre service à un service Public. Mais il servait de, surtout la chambre d'agriculture. Parce qu'ils annonçaient s'il allait voir du milieu pour les patates, comme ça. Parce que là, ici, à Maisonis, il y avait 2000 tonnes de patates qui partaient pour dans le midi ou ailleurs. Ça, c'est les patates ici. Oui, sélection, patates de sélection. Et alors, et donc la question des températures, les pluies, etc., c'est très important. Eh bien, c'était très important, oui. On y a laissé ces malheureux à Saint-Antonin. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vais y laisser parce qu'avec 400 euros, ça me bouffe de l'argent. Oui, mais ça va vous manquer peut-être. Ça me manquera, oui. Ça me manquera. Oh, ben, vous savez, faut bien faire ça d'été un jour, quand on a 86 ans. Mais ça me plaît de le faire. Qui vous plaît ? Ce qu'il y a de pas normal, c'est qu'il ne paye pas en conséquence du travail que je fais. Et comment vous est venu de faire ça, Jean-Paul Decoux, bénévole, observateur bénévole pour Météo France ? Ça m'est venu parce que c'était un monsieur de Souria qui le faisait. Il s'appelait monsieur Bonconnoir, qui a été décédé. Il est décédé, quoi. Et à ce moment-là, bon, quand j'étais à l'équipement, tout ça, j'avais un collègue aussi qui lui faisait un art. Alors bon, ben, il cherchait quelqu'un sur Souria et ça a été moi qui ai été choisi. Enfin, choisi. Vous vous êtes proposé, en fait, ou le collègue en question qui a Mais c'est le collègue en question qui m'a appuyé, qui a parlé de moi, et puis qui a dit, bon, si tu veux faire les relevés sur Souria, en plus, c'est pas... Pourquoi pas ? Donc, voilà. Et pourquoi ça vous intéresse en fait la météo, le temps qu'il fait Mais c'est quand même intéressant quand il pleut ou alors les périodes de neige aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Un jeudi de rêve. Presque pas de nuages, pas du tout d'orage, contrairement à ce que nous annoncions hier soir. Prudemment, et demain vendredi, eh bien cela continue. Une carte de prévision a désespéré un présentateur. Alors, Madame Andrieux, on est chez vous, là, sur Doubs. Oui. On est à quoi, 50 km de... À peu près, oui, 50 km à peu près, oui. Et on est un peu en hauteur, c'est ça 500 mètres, là. Et il y a le Mont Gargan, là, qui est à 731 mètres. Mm. C'est le point culminant. C'est quoi votre profession Agriculteur. Agriculteur. En disparition, en voie de disparition. Il n'en faut plus d'agriculteurs. Ils gagnent trop bien leur vie, il n'en faut plus. Mais maintenant, vous travaillez encore, Madame Andrieux ou... Ben, il y a mon mari et il y a mon fils qui habite à côté, mais qui tient la ferme. D'accord, c'est votre fils. Alors, votre vous voyez fils ce que je veux dire. Ouais. On n'a pas de retraite. On a travaillé jusque... Ouais, c'est ça, on ne s'arrête pas, quoi. Enfin, non, enfin, on s'arrête si, quand on est trop. Ouais. À la campagne, il n'y a pas de... On ne peut pas prendre de retraite. Surtout si on a les enfants qui suivent... On voit le travail, on sait qu'il est à faire, et puis, bon, même si on n'est pas bien, on essaie d'aider un petit peu. Et donc vous étiez, ou votre mari Oui, c'est-à-dire que c'est mon mari qui est venu habiter à Surdoux, et il a pris la suite d'une dame qui le faisait depuis le début, je pense. Parce que ça l'intéressait, votre mari, de faire ses relevés météorologiques. Oui, mais enfin bon, il m'a eu vite passé... Alors racontez-nous comment ça se passait en fait, oui. Donc dans les années 60, 62, je crois que c'était au moment de la guerre d'Algérie, je crois. Mais bon, ben c'est toujours pareil, hein. Rien ne change. C'est-à-dire que lui s'est engagé près de Météo France, et puis du coup, c'est vous qui alliez faire les relevés. Oui, oh ben, j'avais peut-être un peu plus de temps que lui. Donc tous les matins, Madame André. C'est-à-dire quand il pleut, oui. Et puis bon, le temps qu'il fait, comme aujourd'hui, bon, c'est ensoleillé, mais quand il pleut, il faut mesurer l'eau tous les matins. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Je peux y aller ? Alors, historiquement, j'ai remarqué qu'il y a peu de femmes quand même. Hein. Et ce qui me ramène, maintenant il y en a plus, mais enfin, je pense que dans les années, jusqu'à les années 80, il n'y avait pas grand monde. Je me rappelle M. Moricou, sur le poste de Saint-Léger-la-Montagne. C'est un poste qui est à 660 mètres d'altitude. Il a été récompensé, il a eu toutes les médailles, puisqu'il a dû décéder autour de 80, ou un petit peu, peut-être pas tout à fait 80 ans. Enfin. Et quand je crois que c'est Michel qui lui remet la médaille, et que M. Moricou dit, oui, mais cette médaille, je vais la dédier à ma femme, parce que c'est ma femme qui faisait les relevés jusqu'à présent. M. Moricou, malheureusement, a eu des complications avec sa maladie, est décédé, et c'est Mme Moricou qui a pris la suite. Donc j'ai l'impression que les femmes sont venues assez tard observatrices. Mais il faut savoir qu'on on recrute dans un milieu rural, dans lequel, c'est vrai, il y a un certain nombre de traditions, un certain nombre d'images qui perdurent, et ça a sans doute été plus difficile pour des femmes de faire les relevés. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Ça s'appelle un abri météorologique. Tous les observateurs de France et même du monde entier ont quasiment le même type d'abri. Le même type, pas forcément élaboré tout à fait comme ça, mais à 1,50 m du sol pour se dégager de tous les obstacles. Françoise Marguerin. En blanc pour envoyer la lumière et ventilé. Et quel que soit l'endroit où vous alliez en France, mais de par le monde, vous pouvez aller vous balader dans n'importe quel continent. Bien sûr, le réseau sera peut-être un peu moins dense suivant le pays dans lequel vous serez. Mais au hasard d'une promenade, vous pouvez tomber sur un abri météo avec un observateur qui fera ses relevés quotidiennement, même des fois parfois plusieurs fois par jour, pour le besoin de la météorologie. Donc tous les observateurs de la météorologie de par le monde ont le même abri météo. Pour qu'on puisse comparer nos données, sinon, c'est ce que disait Michel, on ne pourrait pas comparer nos données d'un point à un autre. Le fameux pluviomètre manuel que vous retrouverez chez nos observateurs, avec quelques petites différences, mais c'est quasiment le même, un pluviomètre à lecture directe. Hein. Donc l'eau tombe là, elle est recueillie. C'est comme un entonnoir, quoi. Voilà, tout à fait. L'eau est recueillie, nous avons une petite éprouvette qui est graduée, on fait une lecture directe et on relève sur notre petit carnet la hauteur d'eau qui est tombée. Les observateurs bénévoles, ils font ça tous les matins. Comme ça, ils savent la quantité d'eau qui est tombée entre le matin précédent et le matin du jour J. Quoi. Leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the derrière votre maison en fait. Puis ça fait comme une petite forêt, une petite. Voilà, oui. Ouais. C'est quoi, c'est des sapins ? C'est des sapins, ouais. Sapins, des châtaigniers américains qui sont plantés en limite. Quoi. Ouais. Pour protéger ouais. La. Mais non, mais normalement ils avaient planté des sapins même chez Cora, mais bon, ils étaient un peu trop près. Normalement il y a 50 mètres des maisons. Alors... Je suis reculé. Ouais. Il y a votre jardin aussi, là, d'ailleurs. Ah ben, c'est ouais, là où c'est... vous faites pousser... Oui. Les salades, ben pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, bon. Ouais. C'est la préparation, là. C'est la préparation. Et là, il est 9h, Jean-Claude Decoux, vous avez déjà fait le relevé ? Oui, j'ai fait le relevé, ben oui, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'eau, pour le moment. Là, j'en vois un petit peu, non ? Oui, oh, ben, il en reste tout, des fois, il en reste un peu, dans le fond, mais enfin, c'est pas... Déjà, c'est l'appareil de base, hein. C'est comme un cône renversé en plastique et il y a une éprouvette dedans. Oui, voilà, hop, ouais. Vous videz ça, vous mesurez quoi. On mesure, oui. Ben ouais. Ah. Ah, mais il y a eu des passages où il y en avait pas mal quand même. C'était rempli ? Oh, ben, rempli. Est-ce que ça déborde des fois d'ailleurs ? Oh, ben non. Non. Enfin, là, si, la petite, voilà, la on petite. Est pouvait être dedans, oui, ouais. Mais pas en général. Oh, ben, j'en ai relevé, je passe 30 ou 40, je crois, de plus. Hein. Et donc, vous faites ça tous les matins ? Vers quelle heure vous faites ça dans le club de... Oh, en principe, 8h, voire au lever. Au lever hein. Mais avant, quand je travaillais, je faisais avant de partir, quoi, vers 8h, moins le quart, 7h30. Mais... Normalement, c'est avant 8h, quoi. Vers 8h. Bon, on va peut-être aller le voir alors cet appareil. Oui, vous allez nous le montrer. Alors, ah oui, c'est un dispositif assez simple, oui. On peut dire. Oui. C'est tout simple. Madame Andrieux, c'est un seau en fer, voilà. Qui est sur une... Ah oui, oui, c'est pas compliqué. Un pilotis, hein. Mais je crois qu'ils sont plus modernes maintenant, mais enfin bon. Et moi, je préfère encore cette éprouvette, parce qu'elle est à 10, tandis que l'autre est à 80. Alors, quand on mesure, c'est pas évident, parce que si je pense ça, après, ça va plus. Et pour l'été, bon, ben on met le chapeau pour que ça ne s'évapore pas. Ah d'accord, c'est pour ça, oui. Qu'il y a un chapeau. Et donc, qui c'est qui l'a installé ? Donc, c'est Météo France qui a installé ici. C'est-à-dire qu'il n'était pas là, il était dans le jardin. Là-bas, vu, de l'autre côté oui. De ce côté-là, à côté du... Là. D'accord. Et comme il y avait trop d'arbres, ça ne marchait pas. Donc, ils nous ont dit si on pouvait le mettre là. Alors, c'est mon fils ou mon mari qui l'a fait, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est eux qui vous ont indiqué l'endroit, quoi. Oui, parce que je crois qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'arbres, pas de bâtiment trop oui. près. Oui, parce que ça empêche l'eau d'aller dedans. Température, là. Alors, vous avez la température aussi, Robert Lardy. Ici, là. Ouais. Il faudrait mieux la prendre devant, si vous voulez. Ah, mais... Ah non, c'est juste ça, pour ça, c'est pour enregistrer le son. Oui, alors c'est les températures minima et maxima. D'accord. Voilà, alors là, il n'y a que ça. Donc vous avez, alors, on peut juste décrire, donc c'est cette fameuse petite boîte qui s'ouvre et puis il y a deux thermomètres, hein, c'est ça. Voilà. Hein? Mini, maxi. D'accord, et donc alors on peut les lire, les températures, là? Ah oui. Vous n'avez pas vos lunettes. Alors là, c'est... Je vois pas. 3, 2, 1. Oui, c'est. Ben c'est le mini, ça. Le mini, ouais. Ben ouais c'est, et le maxi. Le maxi fait combien? Il doit être par là. Je vois plus. Ah, c'est dans l'autre sens peut-être, non? Ah, oui. Je sais pas. Oui, ben non, je sais pas mes lunettes. Oui, oui, non, mais moi. Attendez, vous devez le voir là. Il y a, ça, c'est 5. Ouais. 5, ça doit faire oui, 10. Oui, oui, si, c'est ça. 15 même. Mais c'est 15, le. 15, 16. Eh bien, ça, c'est le maxi. Maxi. 15 alors. D'accord, c'est ça. Voilà, on va remettre tout ça en place. Vous avez ça dans votre jardin depuis combien de temps ? Dans votre jardin, Robert Lardy, ça. Vous l'avez depuis combien de temps ? 63 ans. 63 ans ? Ils oui, vous ont installé. C'était en bois. Et puis, il y avait plus de machins. Il y avait un machin, un thermomètre, avec une mèche dedans, et on, chaque semaine, on mettait de l'eau dedans. Maintenant, ça n'existe plus. Et donc, et l'autre appareil, vous dites, c'est... Il est dans le jardin. Là, c'est les appareils qu'ils ont mis. Là, c'est de l'électronique, je connais. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Apparemment, ils appellent, ça leur dit les... Bon. Ça, là ? Oui. Ça aussi, c'est un mesureur ben ça, de... Ça, c'est à EDF. D'accord. C'est à EDF. Mais ça, il est fermé, non ? Non, parce que c'est souvent que ça disjoncte quand il fait orage. On dirait que c'est fermé. C'est fermé ? Mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fermé quand ils sont venus ? Moi, ce que j'ai peur, c'est que les gamins viennent jouer dedans. Oui, oui, oui, faut que ça... Mais en fait, le petit-fils, lui, il s'occupe... Il va pas... Il s'occupe pas de ça. Non. Mais là, apparemment, je pense que ce que je leur envoie, ça leur sert pratiquement à rien, quoi. Parce que je pense que les relevés d'eau, ils les ont directement. C'est grâce à vous, hein. Me demandez pas l'électronique. Ah oui, là, parce qu'ils font un relevé, c'est automatisé, oui, mais là. On entend ça. Quand ils appellent, parce que ça fait du boucan dedans. Et quand c'est en panne, c'est des trucs qui ont disjoncté. Alors mon fils s'y connaît mieux que moi. Moi, je le touche pas parce que j'ai peur de casser. Bah oui. Donc, on dirait que depuis quelque temps, ils ont modernisé un peu, alors ça va un peu mieux. Ah oui, alors on a vu le même chez Madame Andrieux. Voilà. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu. En cause de, il doit y en avoir deux, je pense. C'est chez Madame Andrieux, qui a Surdoux. Elle a ça aussi. Ah ben oui. Ouais. Voilà, alors là, il faut changer la bande là, tous les lundis matin. Toutes les semaines, hein, c'est ça? Voilà. Alors c'est des machines enregistreurs, ça. Alors ça enregistre quoi, ça? Eh bien là, ça, si donc c'est à chaque un rouleau, point, à chaque une, point une ça pointe. Fait un millimètre d'eau. D'accord, c'est la plus. Mais là, vous voyez bien, ça c'est droit, alors il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est en plus, Robert Lardy, du pluviomètre traditionnel qu'on attendez, va attendez, attendez, oui, voir. Alors c'est là. Ça c'est là directement, où, c'est électronique, ça envoie alors, les informations. C'est là où je vais venir. Là. Parce que là, il faut venir, et déjà, il faut mesurer la neige qui tombe, le nombre de centimètres qui est tombé, des fois 10, 15, 20. Et quand il y a la neige, eh bien, je prends cet instrument, j'amène à la maison, pas trop de chaleur pour que la neige fonde, et puis je reprends l'eau et je mesure l'eau. Alors qu'est-ce que vous faites quand il y a des périodes de neige? Mais je mesure l'épaisseur, quoi. Et alors à quel endroit? Alors, comme cette année... C'est pareil, c'est un endroit précis ou pas? C'est un endroit précis, je le fais devant là-bas. Cette année qu'on a eu jusqu'à 20 cm quoi, quand même. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils viennent surveiller là, les appareils. Combien de fois ils viennent Deux fois. EDF. Deux fois par an. Deux fois par an. Deux fois par an. Ouais, bon. Ouais, c'est bon. Mais ils savent, je leur ai dit, venez à une heure intelligente. Alors c'est quoi l'heure intelligente? L'heure intelligente, c'est le moment de l'apéro. Au moment de l'apéro. Bon. Alors. Mais bonsoir. Cela fait maintenant près de 48 heures que dans certains endroits, il pleut sans discontinuer des quantités énormes de pluie, jusqu'à 400 litres d'eau par mètre carré. C'est considérable. Il va bien falloir que cette eau aille quelque part. Hein. Attendons-nous à des débordements les jours prochains. Donc là, vous ouvrez un placard et donc il y a les... Ah, c'est voilà, tout météo, fameux... là. Ça y est, c'est météo. Voilà, maintenant, vous savez que météo était fermé à Guéret. Voilà. Alors, mais je renvoie quand même à météo à Guéret et Guéret le transmettre à Limoges. Ça, c'est votre carnet, là, actuel? Ah oui, mais vous reportez à la fin, vous. À la fin du mois, vous reportez tout sur le carnet. Ah oui, c'est le mois, ça. D'accord. Ouais. Et vous avez des vieux carnets comme ça ou pas? Comment? Vous en avez des vieux carnets? Ah, oui, Robert Lardy. Je sais pas s'il y en a, là. Vous les avez gardés ou pas? Ah, j'ai gardé, oui, mais... C'est un peu... C'est dans des caisses, là, où il y en a peut-être 2 tonnes, alors j'ai les recherchés. C'est une catastrophe. Mais j'en ai, non, j'en ai pas. Ah, j'avais, ça va bien le dernier, je suis en face. Bon, on va aller voir les carnets, alors ouais. Vous remplissez depuis 1995. 95, ouais. 1er janvier 95. Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Vous avez, vous, Madame Andrieux, encore les... Parce que vous faites des relevés depuis des années et des années. Oui. Et puis, normalement, vous avez un double à chaque fois, c'est ça? Oui. Il y en a une partie que vous envoyez à Météo France et une partie que vous gardez. Oui. Et vous les avez, ces relevés? Oh ben, j'en ai, oui, quelques-uns. Ouais, moi, je veux bien en voir. Voilà, le premier carnet, j'ai commencé en 95. Mais comme on disait tout à l'heure, je crois que c'est des feuilles. Des feuilles volantes, alors. Des feuilles volantes, Voilà, celui-là, il date de 97. Hein. 97. Mais par contre, là, ce mois-ci, on n'avait que 1, 2, 3, 4, 5 jours de pluie. Ah oui, voilà. Donc, c'est ça. Quand il y a des tresses, c'est qu'il n'y a pas, y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et donc, là, oui, effectivement. Donc, ça, c'était quoi? Au mois de. Mars. Mars. Eh bien, le mois de mars de 1997, il n'y a pas plu beaucoup non plus. Hein. Non, oui, voilà. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais oui. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire, alors, le temps, alors? Alors, le 1er mars. Le 1er, temps clair, chaud. Couvert dans l'après-midi, couvert ensoleillé, après temps chaud, beau temps, couvert en fin de journée, nuageux, puis nuageux ensoleillé, beau temps. Il a fait très beau la semaine du 8 mars. Voilà. Ouais, toute la semaine. Un peu couvert ensoleillé, mais il n'y a pas d'eau. Pas un peu d'eau là vers le 19-20. J'en étais plus vieux, mais je peux en mettre ça. Il y a vieux, mais en fait, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Et enfin, bon, à part cette année, on a eu un bel hiver. Comme il y a longtemps qu'on n'en avait pas eu. Vraiment, ça a été... Pourquoi vous avez eu un bel hiver cette année? Ben, la neige, le froid. Et il y a longtemps que c'était pas arrivé, qu'on ait autant de neige et autant de froid, parce qu'il a vraiment gelé. Hein. Moins 14, moins 15... Et pourquoi c'est bien, justement, Madame Andrieux? Ben, on dit que c'est bien pour le sol, que c'est bien pour... Mais apparemment, pour les réserves d'eau, ça n'a pas... Apparemment, ça n'a rien fait. Cette neige est tombée par des températures extrêmement froides. Françoise Marguerin. On avait du moins 16 le matin et moins 10 l'après-midi, donc extrêmement froide. C'est une eau qui est une neige, pardon, qu'on dit poudreuse ou légère, très peu chargée en eau. Donc, même 11 cm, vous voyez, 11 cm de neige, ça a donné 3 mm d'eau. Donc au final, le mois de février a été froid, neigeux, mais sec. C'est pas une bonne neige, paraît-il. Il y a de la bonne neige et de la mauvaise neige. Ah bon? Il y a de la neige qui produit de l'eau et il y a de la neige qui produit moins d'eau. Ah bon? Je sais pas ce qu'elle a produit, mais enfin tout le monde dit que l'eau a baissé. Alors. Il pleut pas assez? Non. C'est ça le problème. Alors si on regarde, alors je sais pas, on va essayer de regarder les plus anciens. C'est mal écrit. Hein. Eh ben oui, mais vous allez nous décrypter ça, hein. Avril. Alors, mars 95, là on y est. Alors, qu'est-ce qu'il faisait comme temps? Il est à peu près. Il avait plus. 16-17 ans. Oui, mais c'était nuageux et ensoleillé. C'était beau comme. Comme aujourd'hui. En fait. Et là, il a plu la nuit et après, bon, c'est nuageux. Nuageux. Et ensoleillé. Oui, ça a été plus pluvieux que cette année. Et là, par exemple, vous n'avez pas relevé ou c'est que... Ah ben c'est qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Vous voyez qu'en 2011, il n'est pas monté encore au grenier, mais c'est tout relevé. Mm. Et c'est fait à l'heure. Hein. Alors, ça, à quelle heure vous le faites? Maintenant, 8h30. Parce que c'est le printemps? Et je vais prendre à 8h après. 8h30. Vous voyez, celui-là de l'an dernier. Ça, c'est sûr. Ben, celui-là, vous savez ce qu'il va faire? Il va monter dans le grenier. Vous mettez tout et puis, il faudra le retrouver. Ce que j'ai peur, c'est que mes enfants, quand ils vont charger plus là, qu'ils vont visiter, qu'ils prennent ça, puis qu'ils fassent brûler tout ça. Et Françoise Marguerin, vous les gardez, ces relevés? Et depuis combien de temps, là? Du coup, ça veut dire que les archives, vous avez des relevés qui datent de... Du début du 20e et même au-delà. Les archives les plus anciennes ont été transportées aux archives départementales. Et depuis, jusqu'aux années 1970 et de 70 à maintenant, elles sont ici stockées dans des classeurs, étiquetées. Et on peut retrouver des anciens relevés. Et donc, ils étaient plus élaborés, ils étaient au contraire plus sobres, enfin il y a eu des changements ou pas? Enfin, ça pas trop, les écritures ont changé, ouais. les gens écrivaient, comme ils faisaient qu'écrire à la main, ils avaient une écriture qui était beaucoup plus recherchée qu'actuellement, les écritures ont évolué dans le temps, mais autrement c'était toujours la même base, toujours avec, le carnet a peu évolué, donc on avait toujours à cocher le tonnerre, la grêle, le brouillard, la partie commentaire, la partie température, la partie pluie, donc ça a peu évolué, ce qui a changé c'est un peu les commentaires, mais autrement c'est, les commentaires, l'écriture des commentaires. Autrement, c'est toujours là, c'est le poste des moutiers. Un ciel complètement gris et de la pluie dans une large partie centrale de la France, de la Vendée, des Charentes, au centre et à l'Auvergne, et de la Franche-Comté à la Bourgogne, aux Alpes du Nord. that you dare to dream really do come true. Ce qu'on n'a pas dit, c'est à quoi ça sert. Parce que c'est pas pour dire la météo le matin, soyons voilà évidemment. Tout à fait, c'est pas. Alors à quoi ça sert justement de faire tous ces relevés journaliers? Ces relevés donc sont archivés. Et pourquoi? Pour connaître l'histoire de notre climat et des climats locaux à l'intérieur d'un même département ou d'une même région. On se rend compte quand même qu'il y a des variétés de climats à l'intérieur du département. Et ces mesures servent à connaître la climatologie de notre région. Connaissant la climatologie de la région, ça va nous aider à mieux prévoir le temps, mais aussi à savoir aussi le temps, le climat, comment il a évolué sur une des longues périodes, quoi. Ça nous permet de faire le suivi du climat, tout simplement. Dès qu'on a construction d'une route, construction d'un bâtiment, qu'on a besoin de faire une enquête d'utilité publique, on a besoin de savoir la quantité de pluie moyenne qui tombe sur le secteur pour dimensionner les évacuations, par exemple. En agriculture, savoir quelle variété on va utiliser sur un secteur à l'intérieur du département, on va utiliser les relevés de température. Donc il y a énormément de professionnels qui vont les utiliser pour leurs propres besoins. On peut imaginer qu'un chauffagiste, par exemple, va dimensionner une chaudière en fonction de, si j'ose dire, la quantité de froid qu'il va y avoir dans l'endroit où il construit le bâtiment. J'avais lu aussi que les assureurs sont assez intéressés des fois pour... Effectivement, sur les... En particulier de toutes les situations dites de catastrophes naturelles. Comment caractériser une situation de catastrophe naturelle quand on est par exemple au chef-lieu de département pour un épisode qui est arrivé à 50 km de là? Pour compléter un petit peu, là on sort d'un mois de février exceptionnellement froid. Et là nous avons des demandes de déclaration de catastrophe naturelle pour des pépiniéristes qui ont perdu une grosse quantité de leurs plants avec le froid de février. Alors, suivant la région où se trouvent les pépinières, je vais m'appuyer sur les données de mes observateurs bénévoles là où il y a des longues séries et voir si cet événement, on peut le qualifier d'exceptionnel ou pas, savoir jusqu'à quand il faut remonter pour trouver un tel froid avec de tels dégâts sur la végétation. Donc ça aussi, on utilise les données dans ce but-là aussi. Ah, c'est du boulot, il faut pas l'oublier. Alors quand je m'en vais, j'ai une maison, ma femme sort de Saint-Gilles-Coix-de-Vie. Mais une maison, je vois. Alors, je pars 8 jours, pas plus. Alors, comment vous faites ? Pour faire le relevé, je pars le lundi matin, quand j'ai fait le relevé, et je reviens le dimanche soir pour changer les bandes le lundi. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un ici, là, dans le coin, qui fait à votre place les... Ben, mon fils, oui, qui me remplace 8 jours, mais enfin... Ça l'embête un peu ? Oui, beaucoup même. Et puis, j'ai peur qu'il me fasse des bêtises, bon. Mais enfin, je vois à peu près là-haut du Saint-Gilles comment ça fait, et puis on l'écoute à la radio, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, vous, quand même, vous avez un peu, avez un peu une idée du temps, quoi. S'il y a quelque chose qui n'est pas normal... Et puis, je vais vous dire une chose, que j'aime faire ça. Je suis habitué tous les matins. Et les matins à 8h ou à 8h30, j'ai dit, t'as oublié quelque chose, si j'oublie. Mais j'oublie jamais. Jean-Claude Decoux, dans la commune, on sait que vous faites ça pour Météo France, que vous mesurez la pluie, que vous êtes bénévole, observateur bénévole. Mais oui, on le sait, oui, je vous dis. Puis c'est l'ami Jean-Pierre Morland qui m'a fait passer sur le bulletin municipal et tout. Tous les gens sont au courant. Et tous les ans, il y a un petit article ou là c'était. Ça fait 2 ans de suite qu'il fait un petit article. Il me prend les relevés, il prend un petit carnet, enfin, je peux vous montrer là. C'est relevé dessus. Oui. Et il y en a ici dans la commune qui aimeraient bien faire ce que vous faites, qui sont intéressés, ou même je pense des jeunes par exemple qui du coup s'intéressent, ou même vous dans votre. Si vous avez des petits-enfants ou des enfants qui s'intéressent du coup à la météo. Oui, oh, ben, j'ai la petite fille là, qui vient voir avec moi, oui, comme ça. Je l'ai instruit un peu. On verra, peut-être plus tard. On ne sait pas. Mais vous, cette question de. D'être bénévole, de relever le temps. Enfin, bon, vous dites quand même que c'est votre mari qui s'est engagé, puis vous avez pris la suite. Mais oui, ça vous intéresse quand même parce que... Oui, oui. Et puis bon, maintenant on connaît tout ce de Limoges, c'est un peu une grande famille, quoi. Ils font leur petit repas une fois par an. Ça, oui, c'est une rencontre que vous aimez bien. Oui, quoi. Et puis il y a d'autres personnes. Bon, moi, j'y vais pas assez souvent parce que mon mari ne veut pas aller à Limoges en voiture maintenant. Et puis mon fils, il n'a pas le temps, donc c'est une voisine qui m'emmène, qui demande que ça. Mais enfin bon, je ne peux pas toujours imposer la voisine non plus. Pourquoi pas. Et vous, ici, vous êtes connue comme bénévole là, dans le village à Surdoux. Personne ne le savait avant. C'est vrai. Oui, oui, je vais devenir célèbre à 65 ans. Je suis arrivée à 65 ans pour faire le Pourquoi? Avant quoi, personne ne le savait? Ben, je le disais, je ne l'avais pas dit. Vous ne l'avez pas dit? Non, je le faisais, puis c'est tout. Mmh. Moi, c'est tout normal, c'est tout. C'est comme un rite, comme ça, vous faites tous les matins. Voilà, voilà. J'allume ma cuisinière tous les matins, mais vous relevez là, la c'est pareil. Non, mais c'est vrai, bon, ben, c'est pas contraignant. Enfin, c'est pas contraignant. Quand on est malade, oui, mais bon, même mon petit-fils qui a 10 ans, il sait très bien mesurer l'eau, il sait très bien même changer la feuille à la rigueur. Hein, il est pas, j'ai fait de la bronchite là, l'hiver, c'est lui qui a changé la feuille, il n'y a pas de problème. Mm. Alors, comme il dit, ben, mamie, je prendrai ta suite. Oui, vous pensez que ça l'a intéressé? Oh, il faut savoir où il sera. Ouais, c'est... Il a 10 ans, 11 ans, alors on ne peut pas. Enfin, vous avez des relais en tous les cas. Oui. Ici, enfin, voilà. La famille oui, sait faire. Oh. Plus que jamais, le parapluie est de rigueur. Dès demain matin, une nouvelle zone de nuages et de pluie va aborder l'ouest du pays et à nouveau traverser la France dans le cours de la journée. Ça se voit, ça, Michel Galliot, des familles de bénévoles de Météo France Ah ben oui, oui, parce que cette passion, les gens la transmettent dans leur famille. Hein. Il faut dire que quelqu'un qui fait des relevés météo devient un petit peu un personnage, aussi bien dans sa famille que dans son village. C'est reconnu. Bon, c'est reconnu. Les voisins viennent le voir en disant, bah, tiens, combien t'as relevé, toi, aujourd'hui? Les agriculteurs peuvent venir lui demander ses relevés de température. Et puis, dans la famille, je suppose qu'on en parle. D'abord parce qu'on voit bien que le père, le grand-père ou la grand-mère se déplacent tous les jours pour faire leur lever. Donc les enfants s'intéressent. Et c'est vrai que lorsqu'il y a une possibilité de que le relever puisse être fait par quelqu'un d'autre dans la famille, eh bien, ça se transmet. De toute façon, tout naturellement, quand en milieu rural, les gens habitent un petit peu dans le même corps de bâtiment où les enfants ont fait construire la maison juste à côté de la ferme des parents. Et puis, quand les anciens commencent à avoir du mal à écrire, commencent à avoir du mal à marcher, eh bien, c'est le fils ou la belle-fille qui commence à faire les relevés. Et puis, tout naturellement, au bout d'un certain temps, qui prend le relais. Et de notre côté, bien sûr, ça pose aucun problème. D'ailleurs, ce relais est plus ou moins dit. Hein, il faut reconnaître qu'on a eu des relevés comme ça, des gens qui, pendant des années, ont fait des relevés. Et puis, au décès de la personne qui tenait officiellement le poste, eh ben, ils nous disent « Oh, ben, vous savez, je suis habitué, moi, ça fait déjà 5 ans ou ça fait déjà 8 ans que je fais les relevés. » Et quand on faisait les visites, parce qu'une fois par an, alors, on fait voilà, une petite expliquer. Visite, ouais. Eh bien, ben, ils n'osent pas forcément le dire. Mais bon, il y a un côté humain. Y compris dans les relations que l'on essaye de garder et qui permet de s'assurer à la fois de la qualité du travail, de la pérennité. Et je crois que c'est important, hein, que, puisque c'est un travail de bénévolat, il faut forcément qu'il y ait ce côté humain qui soit conservé. Et vous rencontrez d'autres bénévoles de Météo France ou en fait vous êtes assez éloigné Oh ben là, pas ici, non, mais quand on fait des réunions du mois, je crois. Mais je crois que malheureusement, d'après ce que Mme Margot a dit, je ne sais pas si ça va toujours avoir lieu. Oui. C'était des réunions annuelles. Mais oui, voilà, tous les ans. Et puis il y avait un petit repas, tout ça, c'est sympathique. Bon, parce qu'il n'y a plus d'argent pour ça. Ils en trouvent bien pour faire autre chose, des fois, qui n'est pas plus. Vous faites des réunions en fait, de bénévoles, je crois, chaque année. Et puis, comme c'est du bénévolat, il faut aussi que ce soit reconnu. Et la manière de reconnaître ce bénévolat, c'est aussi de donner des récompenses. Il y a donc des cérémonies, en présence généralement, justement, des conseillers généraux. On essaie de faire, voilà, tout à fait, d'apporter un petit côté solennel en plus, une reconnaissance de des autorités locales, du métier, enfin du travail fait par ces observateurs. Donc souvent on convie le préfet, enfin ou son secrétaire, enfin les représentants des mairies, enfin, à venir à ces remises de petites récompenses. Au bout de 5 ans, ils ont un diplôme, et puis au fur et à mesure du temps, de 10, 15, 20 ans, ils ont des médailles, et au-delà, et puis on complète ces médailles par des cadeaux, enfin on essaye de les de les récompenser en fait, parce que c'est pas leur petite anonymité qui leur apporte grand chose. Donc nous, c'est pour vraiment valoriser encore plus leur travail, quoi. Et ils sont très contents de recevoir ce petit geste. Ça leur permet d'appuyer leur travail et de les féliciter, quoi, et les encourager à persévérer dans leur mesure, quoi. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where trouble melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you. Et pourquoi vous dites vous êtes célèbre maintenant depuis que vous avez eu la médaille? Ah oui. C'était quand en 2008 c'est quand Non, c'est, cette, c'est cette année En non. 2011. En 2011, oui, excusez-moi. Ah oui, le plus beau, c'est que je ne voulais pas y aller. Mais j'ai trouvé tous les prétextes pour ne pas y aller. Mais j'ai cru que Françoise allait venir me chercher. Hein. Elle a insisté, mais alors jusqu'au bout. Bah, vous n'avez pas regretté? Non, mais je suis trop timide, c'est tout. Oui, mais c'est je bien suis aussi pas d'être... pas habituée à sortir de mon trou, et puis bon... Je sais pas, ça me... Ça vous intimidait? Oui, plutôt. Quand ça a été fini, j'étais contente. Mais en même temps, on reconnaissait votre oui. travail, quoi. Enfin, votre attention oui. portée, oui. Voilà, autant. Mais oui. C'est un service que vous rendez aux autres. Vous savez, on en rend bien d'autres, même oui. ils ne sont pas payés. Alors. Oui, mais là, vous n'êtes pas payé non plus, c'est vrai. Mais au moins, c'est, voilà, c'est une manière de reconnaître. Oui, ce... Ils donnent une pièce, ils donnent... Qu'est-ce qu'ils donnent alors? Une médaille? C'est 50 ans, vous avez 50 oui, ans de service. 50 ans de service, alors une médaille et puis bon, un petit appareil de météo, quoi. Mais c'est gentil. Et puis un bon repas et puis voilà. Et puis rencontrer les autres bénévoles voilà. aussi. Oui, oui. Mais c'est pareil, on n'a pas tellement le temps de pouvoir discuter entre nous, quoi. Parce que là, à notre table, c'était... Monsieur Gabassi, sa femme, et puis d'autres personnes qu'on connaissait plus ou moins, quoi. Mais enfin, avec les autres, on n'a pas eu beaucoup de temps pour... Mais en fait, sinon, on passe une bonne journée, quoi. Et du coup, ça, ils l'ont su, là, dans la commune, à Surdoux, du coup. Mais, là, ils ont su oui, que vous étiez oui, une même, grande bénévole de météo. Même des cousines ouais. que j'ai trouvées il n'y a pas longtemps, là, un enterrement. Ah, mais tu es célèbre. Je dis oui, arrête, parle pas de ça. Mais il y a même un cousin de Paris qui m'a écrit, elle me dit « Ah, mais tu es très discrète. » Ah, j'ai dit « Oui, plutôt discrète. » J'ai dit « Tu sais, c'est pas... » Pour ce matin, bien du soleil, ou plutôt de la luminosité, il y en a un peu en Méditerranée, malgré le Mistral et la Tramontagne. Autrement, bah, vous le voyez, sur toute la façade ouest, c'est gris. Et surtout l'est, c'est de la pluie. Et puis venez voir mes décorations, là. Bah oui, alors on va parler des décorations. Ça te fait. Ça... Alors... Regardez là. Alors, expliquez-nous. Alors, météo. Météo. Médaille d'or. Oui. Médaille d'or. Argent et bronze. Bronze. Puis chercher les restants de. Alors, météo, sa médaille d'or, c'est 60 ans de bénévolat. Je ne sais pas. Si, c'est ça, je crois. Du coup, vous, ça fait combien de temps que vous le 73 ans. C'est ça. Mais vous savez ce que j'avais dit, apportez-moi, au lieu de me remettre ça, remettez-moi dans un kilo de chocolat à chaque fois, ça ne va rien mieux. Non, parce que moi, regardez, j'ai trouvé l'article du journal, hein. Vous avez vu votre médaille. Hein. Là, un demi-siècle de mesure, Robert Lardy. Ah ben, bah, j'ai même vous pas vu moi ça. C'était vous ce l'avez journal? Pas lu, c'est le journal de la Creuse. De ah, magazine pas... de la Creuse d'avril 2003. Ah ben, bah, c'est pas vieux. Ah non. Vous vous souvenez de la cérémonie? Ah, c'était à Guéret. Monsieur le préfet, et puis le grand de la météo. Et effectivement, il y avait le président de Météo France. Oui. Vous vous en souvenez de cette cérémonie? Ah, bien sûr. Je m'en souviens, oui. Ah. Ça m'a l'air de jeûner de 20 ans seulement. Bon, eh bien, allez, on va aller. Ah, ben attends! Je vais vous donner tout ce que. Tout le bazar. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Mais vous sentez, vous arrivez, vous, quand même, à sentir, je sais pas. Vous... Est-ce que vous connaissez un petit peu maintenant, selon la pluie, selon les vents, selon les nuages, si le lendemain, par exemple, il fera Oui, en fait, j'ai des signes un peu particuliers, peut-être. C'est quand bon, j'entends les chiens aboyer à veau, je dis l'eau n'est pas loin. Et si j'entends les voitures à Sauvia, je dis... On entend les voitures, et on peut dire qu'il va faire beau. Parce que le vent est à l'est, et là, il est à l'ouest. Et ça marche ? Ah ben oui, en général, oui, ça marche. Quand j'entends les chiens à eau, comme on dit, ou chanter les coqs, l'eau n'est pas loin. En tous les cas, vous avez pas... Vous allez continuer pour Météo France ? Tant que je peux. Quand je pourrai plus, ma foi... Si personne ne veut le faire, eh bien, on abandonnera et puis quelqu'un d'autre le fera. Bah oui, du coin, peut-être. S'ils veulent. Il y en a ici dans la commune, justement, après, qui vous ont dit « Ah ben moi, j'aimerais bien le faire, ce que vous faites. » Oh non. Et puis dans la commune, vous savez, elle est petite, hein, cette commune. Il y a 40 habitants et tout le monde reste chez. C'est vrai. C'est presque mieux. Maintenant, il y a de drôles de mentalités. Dans le temps, c'était pas comme ça, je crois. Ouais. Parce que là, ça fait longtemps que vous êtes là, vous, du coup. Ah, je suis née là. Ah, oui. Donc ça fait 66 ans. 66 ans, ouais. Mais oui. Et j'ai pas beaucoup bougé. Malheureusement. J'ai pas beaucoup voyagé. Avec la participation de Robert Lardy, Monique Andrieux, Jean-Claude Decoux, Françoise Marguera et Michel Galliot. Et les voix météorologiques d'Albert Simon, Jacques Kessler, René Chaboux, Alain Gillot-Pétré, Michel Cardoz, Gaël Renard, Joël Collado et Pascal Sammartino. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Jérôme Besset de France Bleu Limousin. Mixage, Valérie Lavalard. Bon, ça y est ? Ouais. Allez, hop, apéro. Les Veilleurs du Temps, un documentaire de Séverine Liattard et Gilles Davidas. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter ce documentaire en allant sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion et la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous continuons notre semaine consacrée au climat et à son histoire et nous nous interrogerons dans l'émission d'archives du mercredi sur le rôle des historiens dans la compréhension des crises climatiques actuelles avec Thierry Sauzeau et Frédéric Surville.